La 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung s'est déroulée solennellement les 27 et 28 août dans la capitale Pyongyang. Y ont participé les délégués élus dans les conférences de l'Union de la jeunesse du niveau central et des provinces et les observateurs. Cadres des organismes du parti, de l'administration, des forces armées, du secteur de l'éducation des jeunes élèves, délégation de l'Union des jeunes coréens au Japon et délégation de l'Association des jeunes coréens en Chine. Au milieu de la mélodie de bienvenue, le respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti Travail de Corée, président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée, a fait son apparition sur la tribune d'honneur, accompagné des cadres responsables du Parti de l'Armée, y compris Fang Byung-soo et Choi Ryong-hae, des cadres responsables de l'Union de la jeunesse, des permanents et membres exemplaires de l'Union de la jeunesse de l'armée et de la société, de Kim Yong-ju, chef de la délégation de l'Union des jeunes coréens au Japon, et de Kim Yong-nyo, chef de la délégation de l'Association des jeunes coréens en Chine. Un jeune homme et une jeune fille ont offert au camarade Kim Jong-un une corbeille de fleurs, empreinte de la vénération ardente de tous les participants à la conférence et des jeunes avant-garde de tout le pays, et se sont inclinés. Les chefs de la délégation de l'Union des jeunes coréens au Japon et de la délégation de l'Association des jeunes coréens en Chine ont offert les drapeaux de félicitations au camarade Kim Jong-un. La commission exécutive et le secrétariat ont été élus. On a annoncé que les corbeilles de fleurs, messages et lettres de félicitations sont parvenus au camarade Kim Jong-un à l'occasion de la 9e conférence par les personnalités des milieux politiques et sociaux, les représentants des organisations d'études des étudiants, des formations d'amitié et de solidarité, et les organisations des jeunes de divers pays du monde, ainsi qu'au comité central de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung et à la 9e conférence, par les personnalités des milieux politiques, sociaux et économiques, et les organisations des jeunes de divers pays du monde. Les sujets suivants ont été mis à l'ordre du jour. 1. Du bilan des activités du comité central de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung. 2. Du bilan des activités de la Commission centrale de vérification de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung. 3. De l'élection de l'organe directeur central de l'Union de la jeunesse. 4. De la rebaptisation de l'Union de la jeunesse. 5. De la révision des statuts de l'Union de la jeunesse. Chun Yong-nam, premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse, a fait le rapport sur le premier point de l'ordre du jour du bilan des activités du comité central de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung. On a écouté des interventions. La résolution sur le premier point de l'ordre du jour du bilan des activités du comité central de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung est adoptée à l'unanimité par les délégués. Les chefs de la délégation de l'Union des jeunes coréens au Japon et de la délégation de l'Association des jeunes coréens en Chine ont prononcé les discours de félicitations. Kim Joo-il, président de la Commission centrale de vérification de l'Union de la jeunesse, a fait le rapport sur le deuxième point de l'ordre du jour du bilan des activités de la Commission centrale de vérification de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung. Le groupe de félicitations de l'Organisation des enfants de Corée a déclamé le poème dédié à la 9e conférence « Félicitations aux frères et sœurs jeunes avant-garde ». On a discuté sur le troisième point de l'ordre du jour de l'élection de l'organe directeur central de l'Union de la jeunesse. On a élu d'abord le comité central de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung et ensuite la commission centrale de vérification de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung. On a rendu public le contenu de la décision de la première session plénière du 9e comité central de l'Union de la jeunesse. On a élu la commission exécutive du comité central de l'Union de la jeunesse. Chun Yong-nam est élu premier secrétaire du comité central de l'Union. Park Chul-min, Jang Hyun-chul, Pe Chung-il, Kim Kyung-jun, Lee Song-ho, Jang Ryong-il, Jong Yong-won, Ham Gwang-chul et Lee Bum-chul sont élus secrétaires. On a mis sur pied la commission d'organisation du comité central de l'Union de la jeunesse. On a nommé les chefs de département du comité central de l'Union de la jeunesse et le rédacteur en chef du journal Chung-nyun Juni. On a rendu public le résultat de l'élection des présidents et vice-présidents de la Commission centrale de vérification tenue à la première session plénière de la 9e Commission centrale de vérification de l'Union de la jeunesse. On a discuté sur le quatrième point de l'ordre du jour de la rebaptisation de l'Union de la jeunesse. La résolution qui a rebaptisé l'Union de la jeunesse Kim Il-sungiste Kim Jong-uniste est adoptée à l'unanimité par les délégués, aux acclamations et applaudissements enthousiastes des participants. Le camarade Kim Jong-un, président du Parti Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée, a remis en personne le drapeau de l'Union de la jeunesse Kim Il-sungiste Kim Jong-uniste. En traduisant la fidélité des jeunes avant-garde de tout le pays, Chun Yong-nam, premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse, a fait le serment de porter haut à jamais le drapeau glorieux de l'Union de la jeunesse Kim Il-sungiste Kim Jong-uniste et de parachever de génération en génération l'œuvre révolutionnaire du Tse, l'œuvre révolutionnaire Son Gun, sous la direction du respecté camarade Kim Jong-un. On a discuté sur le cinquième point de l'ordre du jour de la révision des statuts de l'Union de la jeunesse. La décision sur la révision est adoptée à l'unanimité par les délégués. Le respecté camarade Kim Jong-un a prononcé le discours ayant valeur de programme.